En Corée, divers secteurs de l'économie nationale enregistrent toujours des succès dans la campagne de 200 jours. L'industrie d'énergie électrique a augmenté à 136% la production par rapport à la même période de l'année passée. Les membres de la troupe de choc de la jeunesse de la mine de charbon de Huan, du complexe houillé du district de Pukchang, ont accompli le plan de l'économie nationale de 2 ans par l'innovation collective et la mine houillère de Myeonghak du complexe houillé du district de Tukchang a accru d'un 1,7 fois la production par rapport à la même période de l'année passée. La direction des chemins de fer de Pyongyang dépasse le plan journalier de transport dès le début de la campagne et l'entreprise de transport par pipeline de Sangpyeong du complexe sidérurgique Kimchae dépasse le plan journalier de transport de Minore à 107%. L'usine des chaussures de Sinizu combine la technologie et la production pour augmenter la production et améliorer la qualité.